Chapitre 7e. Tableau mouvant. Au cachot de Henri de Chalais, il y avait comme une fête, ce même jour du 26 octobre. Depuis le matin, le prisonnier a contemplé, couvé des yeux, les trois roses qui lui sont arrivées si heureusement et lui rouvrent le ciel de l'espérance. Maintenant, il vient de les placer, pour les voir mieux, dans un anneau de fer fixé à la muraille. Le soleil a enfin percé les brouillards. Un large rayon qui fend l'ombre éclaire les roses à demi penchées, dore la paille comme s'il était encore dans son champ natal, puis fait briller le salpêtre de la muraille humide qui semble, à l'œil enchanté par l'espoir, ici s'incruster de miroirs, là se couvrir de gaz d'argent. Le guichetier, ennuyé de boire seul, s'est endormi sur sa chaise de bois, le menton sur sa poitrine et le verre vide à la main. Rien ne trouble la rêverie du prisonnier assis sur sa gerbe, les bras croisés, l'œil amoureusement fixé sur le bouquet de Valentine. Un sourire égaré d'un monde meilleur est venu un instant habiter la prison. Tout à coup, le bruit d'une pièce de canon tirée près de là fait trembler les murs de la prison. Chalais sort brusquement de son rêve, il tressaille. Le rayon de soleil a disparu, l'obscurité l'environne de nouveau. Il entend le bruit de ses fers, il est retombé dans l'horreur du cachot. Le porte-clés, qui a eu un soubresaut sur sa chaise, se frotte les yeux, s'éveille. Un second coup de canon résonne. « Qu'est-ce que ce bruit ?» demande Chalais. « Oh, rien !» dit le gardien en étendant le bras. « C'est le canon de réjouissance pour le mariage du prince Gaston. »« Gaston se marie, grand Dieu !» s'écrie le prisonnier. « Il a signé le pacte avec Richelieu, l'abandon de ses amis. »« Et ce n'est rien, malheureux. »« Ah, c'est la mort !» et l'infortuné retombe sur sa couche et fond en larmes. L'amant sortit alors pour voir ce qui se passait dans la ville et inspecter les préparatifs de la fête. Le jeune prince demeura seul avec la nouvelle qu'il venait de recevoir. La trahison du frère du roi était un coup mortel pour lui. Toutes ses espérances, toute sa vie s'écoulaient par cette blessure. Gaston était perdu comme soutien et comme ami. Vendu pour de l'argent, il le haïssait de sa lâcheté. Il aurait voulu le fouler aux pieds comme ce misérable brin de paille qu'il broyait sur terre avec rage. Il resta ainsi, passant de l'excès de la colère à celui du désespoir. Il demeura 6 heures, n'ayant pris aucune nourriture de la journée, rompu sous le coup de chaque pensée qui tombait sur lui, comme le cerf déchiré sous le bâton de l'exécuteur. Il prit bien des années pendant ces 6 heures. Quelques-uns de ses beaux cheveux blanchirent. Son visage se creusa pour ne plus retrouver ses formes naturelles. Il fut atteint de cette vieillesse subite qui regardait comme un signe de mort violente. L'amant, frappé de ce changement à son retour, essaya de redonner quelque courage au prisonnier. Il lui dit « Il y a ici près un escalier dont l'usage est supprimé depuis longtemps et qui conduit à un étage supérieur inoccupé en ce moment. Nous pouvons donc monter sans être aperçus par les gardes de service dans les passages de la prison. » Voulez-vous que je vous y conduise? Vous verrez le cortège qui passera par ici en sortant de la résidence royale pour se rendre à l'église des Cordeliers, où vont être célébrées les fiançailles de monsieur avec la belle mademoiselle de Montpensier. » Un instant après, Henri de Chalais et son compagnon étaient placés dans un étage plus élevé de la tour, devant une étroite meurtrière. Le prince, quelques jours auparavant encore si jeune, si beau, était là, le teint hâve, les cheveux ternes et mêlés, le visage hérissé de barbe, vêtu de nobles habits, mais en ruine, sans forme et sans couleur. Il regardait le cortège doré de la cour, qui défilait avec toutes ses splendeurs, de cette cour à laquelle il appartenait il y avait si peu de temps, et qu'aujourd'hui passait radieuse et insouciante devant son tombeau. Dieu a donné l'insensibilité au mort pour qu'il ne vit pas, hélas, peu d'instants après sa fosse scellée, l'oubli et la gaieté cruelle de ceux dont il se croyait aimé. Mais lui, le pauvre Chalais, il sentit sa mort, il voyait son tombeau, et de là, il avait encore le spectacle de toutes les fêtes, de tout l'enivrement du monde, où il n'était pas une larme pour lui. « Vrai Dieu, » dit le guichetier, « ce cortège est long comme une litanie des saints. » En effet, il tenait l'étendue entière d'une rue parée de toutes ses tentures et de toute la foule provinciale. Enfin, après les corporations et l'ancienne garde de Henri IV, venaient les compagnies de chevaux légers et la litière de la reine-mère et les carrosses de la cour et le cortège du roi et le roi lui-même. De la foule qui bordait ce superbe cortège partit une salve de vivats éclatants. On venait d'apercevoir le prince Gaston, objet de curiosité de ce jour-là, parce que le branle des cloches, les canons et toutes les fanfares du mariage retentissaient pour lui. Chalais, au premier regard jeté sur cet homme qui l'avait fait manquer à la reconnaissance, à l'honneur, et qui, le voyant tomber par sa faute dans la prison au pied de l'échafaud, l'abandonner à ce dernier degré de misère, ne put supporter cette vue. Tous ses membres tremblèrent et faiblirent. Il ferma les yeux et s'appuya sur son gardien, qui le ramena à demi évanoui dans son cacheux solitaire. Revenu à lui, il prit peu à peu le pressentiment tranquille et courageux de sa mort. Cependant, Henri regardait toujours les trois roses flétries qui commençaient à s'effeuiller et à tomber sur terre. Après l'abandon de Gaston, il se rattachait encore à l'idée d'être sauvé par sa noble maîtresse. On ne quitte pas à volonté l'escalier vacillant de l'espérance. Quand un degré se dérobe sous les pas, on pose un pied tremblant sur celui qui succède. Chalais avait un cœur si aimant que la pensée seule d'être secouru ou abandonné par Valentine absorbait parfois tout l'intérêt de son sort qui s'y rattachait. Mais tandis que duraient encore ses dernières rêveries, on vint lui dire que la commission assemblée l'appelait devant elle. Préparée à cette heure terrible et soutenue par le courage d'un sang noble, Chalais entendit sans faiblir ce jugement. Il était horrible cependant. Il condamnait le prince de Chalais, convaincu du crime de lèse-majesté, à être décapité sur la place de Bouffay à Nantes, ordonnait que sa tête serait mise au bout d'une pique sur la porte du Sauve-Tour et son corps en quatre quartiers attaché à des potences aux quatre avenues principales de la ville, que sa postérité serait roturière jusqu'au dernier descendant et ses maisons rasées. C'en était fait maintenant. Les roses étaient entièrement tombées de leurs tiges et tout faisait silence aux alentours de la prison. Il était 10 heures du soir. Le supplice devait avoir lieu le lendemain. Chalais était étendu sur la terre humide, abandonné du monde entier et sans voir une seule étoile au ciel. La nuit du cachot semblait du velours noir et le silence était si profond qu'on entendait le travail de l'araignée contre la muraille. Tout à coup, Chalais vit une lueur rouge sur le seuil de son cachot et entendit des hallebardes qui frappaient le pavé en s'arrêtant. Il crut que les bourreaux devançaient l'heure, afin que l'inique supplice n'eût que la nuit pour témoin. Comme la porte s'entr'ouvrait, la vue d'une robe rouge le confirma dans cette pensée. Il ferma les yeux, croisa les bras sur sa poitrine et éleva son âme à Dieu. Puis, domptant l'horreur de ce moment, il s'assit sur sa couche et regarda fixement. C'était le cardinal de Richelieu qui était devant lui.